and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Okay, let's see. You know, sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, commencement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de RGL. C'est Pierre avec vous pour vous présenter Planète Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Comme chaque mois, eh bien, on a pas mal de bonnes choses à vous proposer. Bien entendu, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Nous irons faire un petit tour aussi dans le monde de la bande dessinée. Et puis on vous parlera aussi du festival de cinéma Ciné East. C'est la 15e édition cette année, une édition un peu anniversaire donc. Et puis on ira faire un petit tour sur notre Powerplay, on ira visiter, voir un peu ce que nos partenaires culturels régionaux nous proposent. La Rocale, Neumünster et puis la Culture Fabrique aussi. Voilà, donc comme vous voyez, le programme est assez chargé. Vous pouvez nous écouter sur les ondes radio si vous êtes dans la région, vous pouvez nous trouver en DAB+ aussi. Vous pouvez nous écouter via le pack... Post. Et puis par internet, bien entendu, sur le site rgl.lu ou le site de planetindieilovemusic.gq. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va commencer en musique avec un nouveau groupe qu'on a découvert le mois dernier. Il s'appelle Lank and the Shank, avec le morceau Get High. Et puis après, ce sera donc l'histoire de Love. Love on Drugs et Stranger Danger. Ça, c'est... le début de programme pour tout de suite. Allez, fin du blabla et place à la musique. Step off of the ledge. It's what's good. It's what's next. And necessary. This fear of a growing ledge, perspective of someone who's caring. But we all just wanna fly, stand tall and get high. There's just a few things in the way. It's hard to change the world when you don't ever say. Closer to what we hope to find. Out of body, out of mind. Blaming everything is bad practice. But it just so happens to be the one thing in your way. lost in town and get high. There's just a few things in the way, but it's hard to change a world when you don't ever say. Closer to what we hope to find. Voilà, le morceau s'intitule Stranger Danger, c'était interprété par le groupe Love on Drugs et on a commencé cette émission, c'est la 447e déjà de Planet Indie, avec le groupe Lank and the Shank et le morceau Get High. On va poursuivre d'ici quelques secondes avec Noi Sierra, un groupe que vous connaissez puisque ça fait quelques fois déjà qu'on les diffuse, Darkness Fire You. Avant cela, eh bien, une fois n'est pas coutume, on va essayer de gagner un peu de temps, prendre de l'avance sur le planning, puisqu'on se fait souvent avoir ces derniers temps. En fin d'émission, on manque un peu de temps en allant directement, bah oui, hein, une fois n'est pas coutume, 17h10, c'est un peu tôt pour, par rapport à la conduite habituelle, mais pourquoi pas, donc sur le programme de notre partenaire de la Rocale. Alors si vous aviez prévu d'aller voir Auto Live ce soir en concert, eh bien sachez que ce spectacle est annulé. Alors vous pouvez vous rabattre, bon c'est pas le même style, hein. Demain ce sera le Cult of Luna, c'est de la musique métal, donc alors que Auto Live c'était plutôt du rire, donc pas du tout le même environnement musical, voire le même spectacle, mais bon, pourquoi pas. Et puis si vous aimez le métal, bah, lundi ça recommence avec les Cradle Hall of Filth and Alceste. Et puis sinon, lundi, vous avez aussi Kaleo, c'est de la musique alternative, c'est dans le cadre du Fight or Flight Tour 2022. Mardi, Scald, c'est de nouveau de la musique qui bouge pas mal dans le live 2022, Temple of Metal. Ensuite, vous pouvez aller voir... qu'est-ce que je vous dis, moi ? Dub Inc, c'est jeudi. Vendredi, le Belval Blues, donc c'est du blues jazz, c'est dans le cadre du festival Live Breath and Sleep Guitars, donc dont on vous a parlé assez longuement le mois dernier. Si j'ai le temps, je vous en retoucherai un petit mot un peu plus tard dans l'émission. Samedi prochain, Plutonio, c'est du hip-hop à rap. Ensuite, Heather Nova le mardi 11 octobre, ça a l'air pas mal. Ensuite, il y a la conférence If Only Data Could Talk, donc si seulement les données pouvaient parler. L'entrée est gratuite en plus, c'est organisé par le Sound of Data Collective. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est jeudi 13 et ben, j'ai pas l'heure, mais ça doit être à mon avis aux environs de 19h et 20h. Sinon, si vous avez envie de sortir le jeudi 13, eh bien, vous pouvez toujours aller voir M avec son En Rivalité Tour. Toujours du hip-hop avec Lil Tecca le 16 octobre. Ensuite, vous avez Goran Bregovic Wedding and Funeral Band. Alors ça, c'est dans le cadre du festival Ciné East, mais ça, je vous en parlerai un peu plus longtemps. C'est de la musique pop. Machine Head et Amon Amarth le 20 octobre. Sinon, bah, toujours le 20 octobre, vous avez Milky Chance, qu'on avait connu il y a quelques années avec un morceau, je ne sais plus le nom du titre, mais on avait entendu, on l'entendait partout à l'époque. Le 21, Alan Walker. Le 21, vous pouvez aller voir aussi Waracles Orchestra. Ensuite, vous avez le show Jean-Jacques Goldman avec Goldman Mania, c'est le samedi 22 octobre. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bah oui, le Brit Floyd avec son concert annuel, hein. Cette fois-ci, ce sera le 24 octobre. Brit Floyd, donc les reprises de Pink Floyd. Les Rasmus qui reviennent aussi le 24. Moi, je les avais vus il y a quelques années. C'était pas mal. Le 27, My Own Ghost, c'est la sortie de le show de sortie de leur disque. Le spectacle de Vald du 29 est annulé, et ben c'est peut-être remplacé par le Carpenter Brut, c'est donc le samedi 29, et puis on arrive à la fin du mois avec Soul King le lundi 31. Le show de hard rock du 3 novembre, Saint-Asonia, est annulé aussi, ça fait beaucoup d'annulations tout ça. Le 4, Placebo, et puis ça nous amène au 5 avec le Quest Hip Hop Festival, 5 novembre, et ce sera aussi la date de notre prochaine émission, mais bon, on vient juste de commencer de celle-ci, on a encore le temps, 1h30, de parler de la prochaine. Voilà pour le programme de la Rocale, programme assez chargé, donc, et puis il y a aussi, j'ai vu ça, mais je pense que j'en avais parlé aussi, le concert de Sting qui devait avoir lieu, si je ne m'abuse, au mois d'avril, mars-avril, qui a malheureusement été reporté pour cause de cas de Covid dans l'accompagnement, dans le staff, on va dire, de Sting. Eh bien, la nouvelle date, elle est fixée au mois de novembre. J'essaie de retrouver rapidement. Voilà, c'est le 12 novembre. Bon, si vous avez un ticket, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Mais c'est déjà sold out. Bien évidemment, ça part assez vite, ce genre de ticket. Voilà pour nos amis de la Rocale. On continue en musique avec Noy Sierra, donc. et Darkness Fire You. Darkness won't kiss me goodnight. Instead, it left me lying here with a restless heartbeat and a traveling man. The darkness won't kiss me goodnight. Thank you. Hi, my name is Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Ska vi på samma fest? Jag står vid spegeln i min hand. Stadsparkskalaset, Facebook-event. Och vi gör när kvällen blir. När vi skrålar i låtar av Håkan och Kent. Och vi blir fulla på krig. Sommarkväll och ett sommarskin. Och det är bara och kan stötta sommar. Varandra vid en langosvagn och vi känner igen den pirrande känslan från Instagram när du fick bli min vän. Och vi går iväg till en dung i parken för vi vill vara i fred. Och jag känner inte mina fötter i marken, du håller med. Och snor i stadens grönaste park. Där sitter vi bland många kvar sen igår på sval och fuktig mark. Men jag vet inte hur man gör efteråt. Ska vi ses igen? Eller ska jag ringa och säga förlåt? Jag skulle vara en dålig flickvän. Sommarmorgon och ett sommarskin. Sparks Allen, c'était Murray Erickson, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolé si ce n'est pas le cas. Et c'est une artiste originaire, bah, comme son nom l'indique, des pays nordiques, et je pense que c'est de Suède plus précisément. 17h24, oh là là, ça avance à une vitesse VB'. On est déjà presque au tiers de l'émission, donc il est grand temps pour nous de passer à la découverte de notre album Powerplay. Et en cette première émission automnale, eh bien... ça ne devrait pas être une surprise si vous nous avez suivis ces derniers mois. C'est une artiste que j'ai régulièrement diffusée donc, ces derniers temps. Il s'agit de Victoria David jusque-là. Ça vous dit peut-être rien. Mais son nom d'artiste, c'est Victoria Vox. Alors là, probablement que ça fait un petit tilt. Originaire du Wisconsin, elle a développé depuis l'âge de 10 ans une passion pour l'écriture. Elle a même obtenu par la suite un diplôme en écriture-composition du Berklee College of Music de Boston. Ah, Boston, j'adore cette ville. Bon, c'est pas le sujet. Elle a donc su très jeune que c'était la voie qu'elle désirait suivre, alors qu'elle avait l'habitude de jouer de la guitare. En 2003, elle a changé son fusil d'épaule, enfin plutôt, elle a changé son instrument à son cou. Et elle a abandonné la guitare pour se spécialiser dans la petite sœur, à savoir le ukulélé comme accompagnement principal. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle a pris le nom de Vox. Vox, pour ceux qui ne le sauraient pas, en latin ça veut dire voix. Son style musical a par la même occasion inévitablement évolué, passant, on va dire, de la chanson de geste teinté de jazz vers une pop un peu plus mielleuse. On va pouvoir donc s'en rendre compte directement dans son dernier album intitulé Nirvana in REM, qui constitue à lui seul une expérience audiovisuelle. Pourquoi visuelle? Parce qu'il comporte, l'audio, il comporte 10 nouvelles chansons, mais le visuel, c'est parce qu'elles sont inspirées d'œuvres d'un artiste qui s'appelle Fred Stonehouse. On peut voir ces illustrations dans un petit livret qui accompagne le CD, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont magnifiques. Je vous en parlerai un peu plus longuement de ce rapprochement entre, on va dire, globalement, la peinture et la musique, mais ce sera pour tout à l'heure. On va donc en écouter un premier extrait. Ce morceau s'intitule « Color of Lying ». Eh bien, quoi de plus normal que de parler de couleur quand on évoque la peinture. Je vous rappelle son nom, Victoria Vox. L'album, c'est Nirvana in REM, et c'est notre powerplay dans cette émission numéro 447 de Planète Indie en ce samedi 1er octobre. Powerplay. Tell me where we draw the line, or turn a cheek to say it's justified. Do we choose staying in the dark, or face the troubles of a secret heart? I'm an honest liar, and so are you. To protect each other, we avoid the truth. I know you know what you don't know won't hurt you. Elle s'appelle Victoria Vox, c'est tiré d'un album intitulé Nirvana in REM, et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Alors, Color of Lying, on pourrait traduire ça à la couleur du mensonge. Et je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, il y a parfois des connexions inconscientes qui se font en préparant les émissions, puisqu'on va écouter maintenant un autre morceau qui tourne autour de la couleur. Ça s'est fait vraiment inconsciemment. Même les deux morceaux suivants tournent autour de la couleur, puisqu'on va écouter Chamber Music avec Bluest of Blue. Bah oui, la couleur bleue. Et puis après, ce sera Sue Anderson, Turquoise and Rust. Voilà, c'est la phase colorée de cette émission aujourd'hui à 17h30. Je vous rappelle, vous écoutez Planète Indie, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30, et ça depuis une paire d'années, puisqu'on en est à l'épisode numéro 447. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur internet www.ilovemusic.gq, et puis sur Facebook et Twitter aussi depuis quelques semaines. On a notre canal Twitter. Bon, c'est assez calme, mais il y a aussi des artistes que vous ne retrouverez pas dans le groupe Facebook, donc c'est pas mal non plus. Allez, on écoute Bluest of Blue avec Chamber Music. Truest of truths, come carry me over the rooftop. Soon I'll be a shadow, a tombstone, a memory in the cold, wet ground in a seaside town. Far from the noise into the sky, I'll soar amongst the stars, but my bones will lie in a seaside town in the cold, wet ground. Just a room on my own, where I treat images and words, favors and small talk I preserved, painted turquoise and rust, put marble on the stairs. Coin in the dust, stick some flowers in your hair. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meant to someone else, as long transportation. I've come longing for new opportunities. Painted turquoise and rust, but marble on the stairs. Find a silver coin in the dust. That's fine, worth to cling to, even if it doesn't come true. Maybe it'll lead to something new. Painted turquoise and rust, but marble on the stair. Find the silver coin in the dust. Cet extrait du tout nouvel album de Sue Anderson, Turquoise and Rust, ça c'est le nom du morceau. L'album s'intitule quant à lui Brave, un album avec une très très belle présentation. Ça fait un peu un petit livret comme ça, et puis l'album est très bien. Je vous l'ai dit, c'est un candidat pour un powerplay au cours d'une prochaine émission. Je vous rappelle donc que la prochaine émission Planet Indie en direct, ce sera le 5 novembre pour déjà l'avant-dernière émission de 2022. Ça avance à une vitesse pas possible. Si nous poursuivions avec l'agenda de notre autre partenaire qu'est la Culture Fabrique avec leur programmation musicale. Alors samedi prochain à 20h, eh bien, ce sera de la musique métal, et on dirait que le métal est à l'honneur aussi bien à la Culture Fabrique qu'à la Rocale en ce mois d'octobre. Je ne sais pas, c'est pour faire tomber les pommes, pour secouer les arbres. En tout cas, ça va secouer avec l'album release Penumbra du groupe Cosmogon. Ce sera donc samedi prochain à 20h. Le jeudi 13, ce sera Hekidip Picciotto, voilà, c'est de la musique ambiante industrielle, voire cinématique. En tout cas, la photo d'illustration est pas mal, ça fait penser à un de ces vieux westerns spaghetti. Vendredi 21 octobre à 20h, eh bien, ce sera de la musique new wave avec The Soft Moon, avec en première partie le groupe Pirit. Donc ça c'est le 21 octobre. Le lendemain à 20h, ce sera Serge Tonnard, album release, l'album qui s'intitule Johan Amen. Et puis ça nous amène au vendredi 28, de nouveau de la musique métal à 19h avec Vector. Et en première partie, vous pourrez voir les trois groupes suivants: Cryptosis, Comaniac et Algebra. Et puis on termine tout doucement la programmation du mois d'octobre avec Tribute to Gigi. Ce sera le samedi 29 octobre à 20h. Et puis on pourra encore vous parler du vendredi 4 novembre, puisque ça se passera avant notre prochaine émission. C'est un concert d'Enrico Lunghi. C'est des chansons italiennes et françaises. Voilà, plus d'informations, vous allez sur le site de la Culture Fabrique, culturefabrique.lu, et pour la Rocale, vous connaissez aussi www.rocale.lu. Alors, Nous allons poursuivre avec un autre groupe et ils sont canadiens. Quant à eux, c'est le groupe Sister Speak. On les connaît puisque on les a passés assez régulièrement. Leur ancien album, je ne sais plus le nom du titre, enfin de l'album, a été powerplay dans cette émission. Là, c'est un nouvel album avec lequel ils reviennent. J'ai pas le titre sous la main, je peux vous le redire après. C'est le morceau Crush, un morceau eh bien, qu'on a déjà diffusé. Et puis Sister Speak, on les connaît aussi parce que notamment lors du confinement, ils faisaient, je crois que c'est les jeudis soirs, ils faisaient des petits concerts, Back Porch Session, donc c'est des concerts où elle jouait de la guitare sur sa terrasse avec une bonne tasse de thé parce que là-bas au Canada, il faisait pas chaud. Hein, on voyait que c'était pas le grand soleil qu'on a pu avoir cet été. Allez, on les écoute, Sister Speak avec Crush, et puis après, eh bien, on écoutera Steve Janek et Long Overdue. Hey, this is Sherry Ann from Sister Speak, and you're listening to Planet Indie. I got a crush on you, hoping we make it through wholeheartedly. Every part of me, 'cause I got them low down heartache blues, and I come right, I don't know what to do, but you're so damn far away. How'd I find myself in LA? When I got a crush on you, hoping we make it through wholeheartedly. Every part of me, and I got a crush on you, yeah, hoping we make it. nothing feels so right when it's long overdue. So long overdue. Felt like forever, but I made it through somehow. Ain't asking for forgiveness, that time will not allow. Long Overdue, c'est Steve Yannick, extrait de son nouvel album quant à lui aussi, qui s'appelle, je vous le laisse deviner, Long Overdue. Et en ce qui concerne l'album de Sister Speak, je vous avais dit que je vous donnerais le titre de l'album. Alors il faut que je me retourne un petit peu parce que je crois que c'est Love for All. Alors deux petites secondes. C'est bien ça, Love for All, c'est le nouvel album de Sister Speak. Allez, il est 17h49, retour sur l'album Nirvana in Rem de Victoria Vox. Un album qui comprend donc 10 plages atmosphériques, fondamentalement pleines d'émotions et de poésie. Le thème des morceaux eh bien, se perd dans les connexions du monde actuel, qui a perdu, en tout cas c'est son avis, toute notion de sagesse. En plus de jouer de la guitare, du ukulélé et du ukulélé, Victoria joue aussi de la trompette et elle maîtrise l'art de la trompette vocale. C'est une technique qui vient du monde du jazz, qui consiste à stimuler le son d'une corne. Bah oui, vous savez, il y a des orchestres de jazz où ils font aussi... c'est de là aussi que ça vient la mode des groupes vocaux où ils n'ont pas d'instruments mais ils simulent les instruments avec, avec ce qu'ils ont à leur disposition, à savoir la plupart du temps avec leur langue. Sa talent lui a valu non seulement d'être invité dans la célèbre émission Tonight Show with Jay Leno en 2009, mais aussi d'apparaître sur la une, oui, la une, à la première page du Wall Street Journal en tant que figure de proue de la renaissance de cette technique. Donc je vous rappelle le nom, c'est la trompette vocale. Elle a aussi dans le passé écrit des chansons en français, puisqu'elle a entre autres vécu en France. Bon, à d'autres, elle a la bougeotte, hein. Elle a vécu aussi en Angleterre, elle a vécu à Nashville, Baltimore, et actuellement elle réside à Californie, à Costa Mesa. Elle a fait les premières parties de Jackson Brown, on le connaît bien dans cette émission, puisqu'on a présenté aussi son dernier album en tant que Powerplay. Donc la première partie de Jackson Browne, Top Chapin, Leo Kottke ou encore Cheryl Wheeler. Alors qu'elle se produit actuellement en solo, elle a déjà joué un peu partout aux États-Unis. Et quand on dit partout aux États-Unis, c'est aussi en Alaska et à Hawaï, en Europe occidentale et même en Australie et en Nouvelle-Zélande, un pays qui semble beaucoup l'apprécier, puisqu'en 2014, sa chanson The Bird Song a été incluse dans le New Zealand Ukulele Trust Songbook for Kids. C'est une sorte de manuel qui sert de référence pour le Kiwileles, l'orchestre magistral néo-zélandais de ukulélé. C'est une sorte de grande chorale et d'orchestre pour les enfants. Cela lui a valu donc l'opportunité d'être invité là-bas, oui, rien de moins, pour chanter son morceau avec quelques 2500 enfants. Ça a dû être un moment d'intense émotion pour elle, on n'en doute pas. Eh bien, on va donc profiter de son talent et on va découvrir un second extrait. Alors, celui-ci s'intitule Checkerboard Flooring. Bon, j'ai pas choisi le plus facile à prononcer. On va voir ce que ça vaut musicalement parlant. Je vous rappelle donc son nom, Victoria Vox, l'album Nirvana in Rem. Je vous ai mis une vidéo à la fois sur notre page Facebook, sur notre groupe Facebook aussi, et pour les quelques personnes qui sont décidées de nous suivre sur Twitter, je l'ai mise aussi sur Twitter pour être tout à fait complet. Voilà, Nirvana in Rem, c'est l'album Checkerboard Flooring. Bah oui, hein, on fait être un peu maso, on le répète une nouvelle fois. Et c'est Victoria Vox, elle est notre powerplay ce soir dans l'émission 447 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. I've had wicked dreams that stain my heart. I'm floating above the reeds of Horicon Marsh, haunted by creatures and three-headed snakes. They've been feeding me lies and calling it fate. So I'm caught between the truth and the family story. Catholic verse and mystical warning. I'm still making up moves on the checkerboard floor. When the words fall out, I'm a pawn with the kings and queens. I feel like walking out. Strange conversations with the devil man while eating the fruit from a foreign land. Now I'm caught between the truth and the family story. Catholic verse and mystical warning. I'm still making up moves on the checkerboard for it. In a great costume, pitching fits cause I want it all. And daddy's turning blue. He gave me answers, broken and bent. But I'll never know what his words actually meant. Now I'm caught between the truth and the family story. Catholic verse and mystical warning. I'm still making up moves on the checkerboard floor. So I'm caught between the truth and the family story. Catholic verse and mythical glory. Mr. Sexy Pants, on him you can't rely. Mr. Sexy Pants wants to be Mr. Thing. Mr. Sexy Pants, an old school ding-a-ling. Hey, Sexy Pants. Hey, Sexy Pants. As the king of the underground, I keep up appearances. A man like me has obligations only to my audience. Deluxe makes his visitations in the pleasure palace. If you have a spot in the rotation, consider yourself lucky. Mr. Sexy Pants can never be on time. Mr. Sexy Pants, on him you can't rely. Mr. Sexy Pants wants to be Mr. Thing. Mr. Sexy Pants, an old school ding-a-ling. If a man of the world you intend to be, you need to meet a lady from the RGV, Rio Grande Valley. Rio Grande Valley. If circumstances do unfold, don't be bold and don't be cold. Rio Grande Valley. Rio Grande Valley. Hey, Sexy Pants. Hey, Sexy Pants. Hope you have a week to kill if you meet a lady from Brazil. And if you have the looks to thrill, your attitude will make her ill. As a rapper, I've had the means to meet the ladies of the Philippines. Yeah, yeah, yeah, Philippines. Yeah, yeah, yeah, yeah, Philippines. Yeah, yeah, Philippines. Where'd you get those? Where'd you get those pants? Where'd you get those? Where'd you get those? Where'd you get those pants? If you want culture, go to Boston. If you want fun, go to Austin. I've been a guest in many nations. They send a limo for me. And when they want a racket tour, I'm on speed dial to make you smile. Hey, Sexy Pants. Hey, Sexy Pants. With the music that we play, here's what all the ladies say. Deluxe staying underground, I want you for myself. With the music that we play, here's what all the people say. TV staying underground, I want you for myself. Mr. Sexy Pants can never be on time. Mr. Sexy Pants, he's not reliable. Mr. Sexy Pants expects to be successful. Mr. Sexy Pants, please show him the exit. There's a voice, he hears it say, Mr. Sexy Pants, Mr. Sexy Pants. But it's only in his dreams. A lot of guys like to think they're chick magnets. Doesn't work out that way though. C'est le tout nouveau, tout chaud single de nos amis de Thrift Bakery, G-Money's Sexy Pants. Nous allons bientôt, quand je dis bientôt, c'est exactement dans 3 minutes 20, eh bien découvrir la BD du mois. Si vous vous souvenez, le mois dernier, eh bien c'était Lord El Wafi qui nous racontait eh bien la vie de Ahmed El Wafi, donc le premier français médaillé d'or aux Jeux Olympiques pour l'épreuve du marathon. Eh bien, je vous annonce qu'on va rester dans les métaux précieux ce mois-ci. Ça va être sportif aussi, mais dans un autre genre de sport, vous allez voir. Rendez-vous pour cela dans 3 minutes 20 après avoir écouté le groupe No Angry Young Men, un groupe belge. Eh bien, la transition est toute trouvée. Bah, et ça, c'était même pas fait exprès non plus, puisque le morceau s'intitule Eyes Fixed on Me, un morceau qui est inspiré de la bande dessinée de Aimé de Young, dont on a parlé il y a de cela quelques mois, la bande dessinée Jour de Sable, eh bien, qui faisait référence à cette fameuse comment est-ce qu'on va dire, sécheresse, tempête de sable qui a duré plusieurs années dans les états du Midwest des États-Unis. Ça a vraiment été terrible. Cette BD a d'ailleurs reçu un plusieurs prix, notamment, je ne sais plus le nom du titre, mais un prix assez prestigieux. Donc, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez retrouver la fiche de lecture sur notre site internet et puis www.ilovemusic.gq, où vous tapez Planet Indie dans Google, vous arriverez chez nous, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à l'acheter, je pense qu'on doit encore pouvoir la trouver. C'était vraiment impressionnant et c'est une belle bande dessinée, des très belles planches et des très belles couleurs. Et c'est pas une bande dessinée de 20 pages, hein. Elle fait, je crois, si je me souviens bien, pas loin de 200 pages. Allez, No Angry Young Man, Eyes Fixed on Me. Et puis après, ce sera notre capsule BD mensuelle. Of sand, eyes that sleep, and nothing left to do. You were the spark that lit behind the casement walls. You'd bring us hope, forget the worried mind and the empty heart. Would you like to be the eyes in the village were fixed on one? Murdered voice every night, so many mouths to feed. Looking back, I ask myself why we didn't try. When distant winds have died, I still feel a beating heart. Que ce morceau a quelque chose, hein. Le chanteur, il a une voix un peu rocailleuse par moment. Ça lui donne un son un peu 80s aussi. C'était le groupe No Angry Young Men avec Eyes Fixed on Me. 18h06, eh bien, comme je vous l'annonçais, on va rester dans les métaux précieux, dans l'or, puisque la BD de ce mois-ci s'intitule L'or des Belges, c'est le volume 1. En 1940, alors que la crainte d'une guerre se fait de plus en plus menaçante, la Belgique décide de mettre à l'abri le dernier tiers de ses réserves d'or toujours dans ses coffres en le confiant à la Banque de France. Mais le conflit éclair prend tout le monde de court, tandis que suite à l'invasion du pays, le gouverneur Teuton du pays somme Léopold III de rapatrier fiscal le précieux métal. Les lingots embarqués à Lorient se voient déroutés par les autorités françaises vers Dakar, faute d'escorte disponible pour en protéger la traversée outre-Atlantique. Censée être secrète, la manœuvre est éventée et l'or attire la convoitise de Churchill et de Gaulle, désireux de se financer à moindre frais. Pendant ce temps, le roi active ses ressources pour que la cargaison ne tombe jamais aux mains de l'ennemi. Las, les nouvelles autorités françaises, cyniques et désireuses de prouver leur bonne volonté, préfèrent remettre aux nazis l'or des Belges plutôt que le leur. Pendant ce temps, en Afrique, un petit commando se met sur pied autour du capitaine Bainet, fervent gaulliste, et du lieutenant anglais Nourmi. Ils vont tenter de faire échouer le convoi ferroviaire allemand chargé du trésor en route vers Alger, et si possible, de s'en emparer. Ça, c'est le résumé de la bande dessinée. Mon appréciation, eh bien, je dirais qu'insérer des personnages historiques dans une œuvre romancée et leur prêter des mots qu'ils n'ont pas prononcés est délicat, surtout lorsque la frontière entre réalité authentique et mythe d'auteur est floue. Sous couvert de renforcer la crédibilité du récit, on crée souvent des méprises. Le dessin semi-réaliste, voire presque caricatural, avec ses épais contours noirs, est censé nous permettre de prendre la distance nécessaire avec la narration. On reconnaît certains personnages, De Gaulle ou Pétain notamment, même si leurs traits ne sont pas toujours réussis et les font par instant paraître déformés, manquant d'harmonie, et ça c'est notamment le cas pour Léopold III. Le scénario, à ce point rocambolesque qu'il semble sorti d'un cerveau très imaginatif, prête parfois à confusion, comme lorsque la cargaison est annoncée avoir atteint Marseille après 3 mois, et qu'on découvre ensuite les plans pour la transporter à Bamako. Autre question qu'on peut se poser, pourquoi l'or polonais qui voyage avec le Belge n'intéresse-t-il personne ? Le fin dossier explicatif, qui se trouve donc au bout du livre, n'est pas de trop pour replacer les éléments dans le bon ordre et pour rappeler que souvent la réalité non seulement dépasse, mais aussi précède la fiction. Quelques approximations auraient pu être aisément évitées, tant dans l'usage des langues étrangères, en particulier l'allemand. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases en allemand ou en anglais, mais grammaticalement, c'est pas toujours ça. Et que dans le calcul des quantités d'or, selon qu'elles sont exprimées en tonnes ou en caisses, moi je m'y perdais, j'ai refait une petite règle 3 et je retombais pas sur les mêmes chiffres. Donc voilà. À quoi rime enfin ce jeu d'ombre sur Bainet pour l'affubler d'une pilosité hitlérienne ? Bref. Les tons chromatiques sont adaptés aux différents contextes, qu'il s'agisse du sable du désert, de la verdure des serres de Laken. Bah oui, sable du désert, tiens, tac, ça refait un tilt, de nouveau une connexion avec Jour de sable d'Aimé de Young. De la verdure des serres de Laken ou des bureaux feutrés du siège du gouvernement. Le fait de ne pratiquement pas esquisser certains visages en arrière-plan peut rebuter au premier abord, mais on se laisse quand même emporter dans le tourbillon des événements, d'autant que les personnages principaux semblent tout droit tirés d'un bon vieux film de barbouze des années 80, comme en témoigne le cadre graphique de la très réussie couverture que je vous ai publiée dans notre page Facebook et sur Twitter. Donc allez la voir avec la conclusion que voici. Le principal bienfait de cette fabulation est de mettre en lumière un épisode passionnant resté largement ignoré, poussant le lecteur à en découvrir les tenants et aboutissants. Un minimum de connaissances spécifiques, sans être indispensable, hein, il ne faut pas pousser, s'avéreront utiles face aux subtilités de l'intrigue touffue. Au final, la Belgique éternelle, champ de bataille de l'Europe au fil des âges, est bien isolée parmi les parties prenantes de tous bords qui veulent à nouveau la dépouiller. C'est un livre à conseiller aux amateurs de rétro-historique et aux nostalgiques de l'âge d'or d'un certain cinéma. Voilà, retrouvez cette fiche de lecture sur notre site internet www.ilovemusic.gq, vous connaissez connaître l'adresse. La conclusion et la couverture sont donc publiées sur notre groupe Facebook et sur Twitter, donc rejoignez-nous via ces canaux. Aussi, pour le on poursuit en musique avec Jerry Canisto et Rusty Crown Blues, bah oui. Rusty Crown Blues, Jerry Canisto, un artiste finlandais. On voyage. Brahms had a chance to be a big star. He had a bad part, he broke his left hand, now it's gone. It's alone. Alone in his bed with rusty crying hand, but he's not crying. Rusty Crown Blues, c'était notre ami Jerry Canisto. 18h14, il nous reste un quart d'heure à passer ensemble. On doit encore parler du festival Cinéiste et retourner sur le powerplay de Victoria Vox. Eh bien, on va le faire tout de suite. Et on doit encore passer l'agenda de la Bayle Neumünster. Donc, on a encore du boulot. Allez, dernière partie de la saga de Victoria Vox et de son nouvel album Nirvana in Rem, un album qui a vu le jour de manière très curieuse et presque inattendue. Victoria, en cette froide nuit de février 2020, se trouvait dans les caves d'un entrepôt à Sturgeon Bay dans le Wisconsin. C'est là, en effet, au Holiday Music Hotel, que se tenait le festival annuel de composition et écriture Love on Holiday. Bon, vous vous demandez certainement ce qu'elle faisait dans cette cave. Eh bien, elle participait à un jeu de, on pourrait appeler ça, faites tourner la bouteille. Il y avait 30 artistes qui étaient là et ils avaient pour mission, eh bien, de faire tourner une bouteille vide, une bouteille qui avait probablement été préalablement vidée de son contenu, une bouteille de whisky, afin de déterminer à quelle œuvre d'art ils allaient être associés et dont ils allaient devoir s'inspirer pour produire quelque chose. Un curieux hasard a donc associé Victoria avec Fred Stonehouse. Curieux dis-je, il se fait que Stonehouse est lui aussi originaire du Wisconsin, tout comme Victoria. Donc il y avait quelque part une connexion qui s'est matérialisée. Elle s'est donc attelée à la tâche sans même avoir pu rencontrer ou discuter avec son alter ego. Ce ne fut le cas qu'une semaine plus tard, lors du concert de clôture pendant lequel elle a interprété le morceau Quest for Love, le morceau qu'on va écouter dans quelques secondes. Stonehouse était présent, il a été touché par la voix de Victoria. Il l'a approché à la fin du spectacle pour lui suggérer de composer d'autres morceaux inspirés de ses œuvres. Et pour notre plus grand bonheur, elle a accepté. Il en résulte cet album Nirvana in Rem. Ce titre, il a été choisi au moment de l'écriture du morceau Floating on a Fruit. Inspiré de l'œuvre Garden, il se fait que beaucoup des idées de Fred ont leur origine dans ses rêves, dans les créatures qui les peuplent, qui s'entremêlent avec sa jeunesse et ses histoires de famille. Et puis le REM, ça fait référence au Rapid Eye Movement, c'est cette phase de sommeil qui est associée avec les rêves, la phase du sommeil paradoxal, comme on peut l'appeler, comme on l'appelle aussi. Voilà l'histoire derrière cette découverte. On va donc écouter ce morceau Quest for Love. Je vous rappelle le nom de l'artiste, elle s'appelle Victoria Vox et son album s'intitule Nirvana in Rem. Troisième et dernier extrait, vous avez une vidéo aussi sur notre groupe Facebook. On écoute Quest for Love. Power play. Power play. Thank you. love knows where you'll find it. You've seen it in your dreams. There's something you can't touch, taste or feel or see. Salvation is waiting with fire you've never known. Such a vulnerable hunter, so sacred and alone. Quest for love, will it ever be enough? Is it the drug that saves you? Quest for love, will it ever be enough? And be the drug that tames you? Impressions can deceive. Don't fall for beauty, that'll bring you to your knees. Quest for love, will it ever be enough? Is it the drug that saves you? Quest for love, will it ever be enough? And be the drug that tames you? Quest for love. Drug that tames you. C'était donc Victoria Vox avec son morceau Quest for Love, extrait de l'album Nirvana in Rem, notre powerplay pour cette émission 447 de Planète Indie qui touche tout doucement à sa fin. On a encore un peu de temps devant nous pour parler de la 15e édition du festival Ciné East, le festival du film d'Europe centrale et orientale qui se tiendra à Luxembourg, mais pas que, à d'autres endroits aussi, entre du 6 au 23 octobre. En effet, la séance d'ouverture se tiendra jeudi prochain, le 6 octobre, à Neumünster. On doit encore passer la programmation aussi. C'est un festival qui est organisé chaque année en octobre depuis 2018, donc on célèbre les 15 ans cette année-ci. Et vous aurez l'occasion de découvrir, à l'occasion de ce festival, plus de 50 longs-métrages et plus ou moins 30 courts-métrages produits par des réalisateurs originaires de 21 pays d'Europe centrale et orientale, et cela donc pendant 18 jours. C'est pas rien, c'est un long festival. Il y aura une centaine de projections dans une douzaine de cinémas dans la ville de Luxembourg et dans d'autres villes. Il y a des films de fiction, des documentaires, des films d'animation, donc il y en a pour tous les goûts. Une compétition officielle avec des prix décernés par un jury international, un jury presse, dont je ne fais pas partie, mais ce n'est pas grave, et un jury jeune talent et aussi un prix du public. Il y aura de nombreux invités, il y a des programmes pour enfants, des projections scolaires, et puis pas mal d'événements aussi, des soirées-concerts, des expositions, des débats, des soirées thématiques. Il y a même une soirée culinaire, donc il y a plein d'événements. Bah, on peut en citer quelques-uns. La soirée d'ouverture se tiendra avec My Dai et DJ Party, ce sera au Melusina le 7 octobre. Il y a le concert de Goran Bregovic et Wedding and Funeral Band, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la programmation de la Rocale, ce sera le 17 octobre. Avant cela, vous avez le concert de Thomas Tipil, ça se passera à la Cinémathèque, le Ciné East Night au Mirador. Et puis il y en a plein d'autres, hein. Il y a la soirée ukrainienne avec Joris Klok, ce sera au Rotonde. Il y a la pause ciné-concert avec Neuven, c'est difficile à prononcer, Neuven, j'ai même pas mes lunettes, Neuvenfilnielno, bon, c'est pas probablement la bonne prononciation. Il y a une exposition photographique Communities, donc qui sera la vernissage, ce sera aussi le 6, elle se tiendra jusqu'au 23 octobre. Où l'entrée est gratuite. Il y a une exposition Chameleon Women for Ukraine. Donc voilà, il y a une exposition en plein air des affiches du festival Ciné East. Et puis le pays mis à l'honneur aujourd'hui, cette année, c'est la Tchéquie. Je vous conseille d'acheter le pass du festival qui coûte 35€ et vous donne droit à 10 crédits pour 10 séances en salle ou en ligne, puisque vous pouvez aussi découvrir les films sur via internet si vous ne voulez pas sortir de chez vous, imaginons qu'il fait froid. Il y a un fan pack à 50€, il y a un VIP pack à 99€, donc là en plus vous avez t-shirts, vous avez les affiches du festival, enfin des petits cadeaux. Sinon à la pièce, eh bien, c'est 8€ en cinéma et c'est en ligne, ça coûte 6€. Toutes les informations, vous les retrouvez sur leur site internet www.cineist.lu, c'est très bien fait et vous avez le programme au jour le jour avec les différents endroits. Et puis comme Neumünster eh bien, fait partie aussi des lieux de programmation, on va vous parler en vitesse de la programmation de Neumünster en dehors du Ciné East. Donc demain, le concert jazz de Mikkel Plug Solo, c'est un guitariste danois. 6 du 10, donc j'en ai parlé, c'est le vernissage de l'exposition Communities qui se tiendra jusqu'au 23. Ensuite, le 7, c'est une autre exposition de Pierre Koulibœuf, une exposition qui fait partie du projet Enigma. Le 9 octobre, Sacha Ley, musique jazz. Et puis le 19 octobre, toujours du jazz, le Zob Ensemble. Ça aussi, c'est dans le cadre du festival Ciné East. C'est un groupe électro-acoustique de la ville de Dniepr en Ukraine, qui s'efforce de combiner la musique traditionnelle avec le jazz un peu plus moderne. Pour eux, les informations, vous allez sur le site de Neumünster, www.neumünster.lu, comme ça, vous avez tout. On va se quitter tout doucement et terminer la programmation de cet épisode numéro 447 de Planet Indie avec Barry Orek, un morceau intitulé « Makes No Sense ». Bah, j'espère que ce que vous avez entendu dans cette émission, vous, ça vous a fait du sens. On se retrouve le 5 octobre pour le nouvel épisode numéro 448 en direct. D'ici là, vous retrouvez cette émission rediffusée demain sur cette même fréquence et aux mêmes heures. Vous retrouverez le podcast sur notre site internet dès ce soir si tout va bien. www.ilovemusic.gq. Vous retrouverez aussi tous les podcasts depuis que Planet Indie est diffusé sur RGL. Voilà, d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne santé, que tout se passe bien. Et donc, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Et puis, la prochaine émission en français sur cette fréquence, ce sera samedi prochain, aux mêmes heures que Planet Indie. Voilà, à bientôt, on se quitte avec Barry Orek et Makes No Sense. À bientôt, portez-vous bien. C'est de la musique un peu plus folk traditionnelle, bah oui, pour illustrer le cinéaste. If there is a heaven, I'll be dying to know which rules to follow, which ones to forego. Everybody's telling me the rules of the road, the path to true salvation. But if the rules came straight from God, I can't help but think it's a little bit odd that we'd kill each other and the planet we're on in senseless conflagration. Makes no sense to me. Closing doors won't make you free. It's one planet you can see. We're all in this together. My parents taught me our history, how we settled this great country, took all we could. It's the land of the free, our manifest destination. Started thinking for myself and I quickly surmised they didn't have the answers, just myths and lies, using God as an excuse to terrorize, extend their domination. Makes no sense to me. Closing hearts won't make you free. It's one planet you can see. We're in this all together. I went to church, learned right from wrong, who's on our side, who doesn't belong. Give pity to the weak, but the spoils to the strong in our denomination. And why would an all-seeing Lord above care about who we choose to love? And why does push always come to shove in our angry, splintered nation? It makes no sense to me. Closing minds won't make you free. It's one planet you can see. We gotta work together. We gotta. Oh. gotta, oh, we gotta, oh, we gotta take a little, give a lot, share a bit of what you got. Take a little, give a lot, share a bit of what you got. Take a little, give a lot, can't take it when you go. The future's only hope. What if the rules were meant to ensure that life on this planet could thrive and endure? We carry the disease, but also the cure to waste and blind consumption. And we know our children have to face the facts. We've started on the road and we can't turn back. Gotta love each other, get off the attack to save our civilization. It makes no sense to me. Closing hearts won't make you free. It's one planet you can see. We're desperate for redemption. We gotta, oh, we gotta, oh, we gotta, oh, we gotta take a little, give a lot, share a bit of what you got. Take a little, give a lot, share a bit of what you got. Take a little, give a lot, share a bit, oh, share a bit. Take a little, give a lot, share a bit of what you got. Take a little, give a lot, can't take it when you go. The future's only hope.